Chapitre 4. Écoutez, Rouquin devina la vérité. D'autres que lui recherchaient les rubis. Mais qui? Les complices de Guilcott? Ou bien des malfaiteurs associés au Boy Tumble? Comment le savoir? Une chose était certaine, c'était que la maison avait été minutieusement fouillée. Inutile d'espérer y trouver quelque chose. Écoutez, Rouquin, quoique cela, continua ses recherches. Il ne découvrit rien et revint près de Tumble. Le boy était plus mort que vif. « Il n'y a pas d'argent ici, tu en es sûr ?» grommela le détective japonais, qui, pour des raisons connues de lui seul, voulait que Tumble crût qu'il était un simple malfaiteur. « Non, les gens de la police ont tout enlevé, » murmura le boy. « Ce sont eux qui ont ouvert les armoires et démoli les meubles ?» Ayaiko. Je crois que c'est des amis à toi. Vous m'avez devancé, hein ? Et moi je suis venu pour rien. » Tumble soupira. Écoutez, Rouka, sans perdre de temps, le fouilla et trouva dans ses poches 24 billets de 10 roupies, soit 240 roupies, ce qui, à raison de 2 francs par roupie, constituait une bien grosse somme pour un simple boy. Je vois que tu t'es servi, apprécia Ikote Ruka en enfouissant les billets dans sa ceinture. Il continua sa fouille, mais les poches de Tumble ne contenaient qu'un peu de noix d'arec enveloppées dans une feuille de bétel et un trousseau de clés, les clés de la maison. Iko prit également les clés et, ayant coupé les liens du prisonnier, conclut. « Tu as de la chance que j'aie trouvé de l'argent sur toi, autrement je t'aurais tué. Je n'aime pas à me déranger pour rien. Ne me suis pas, si tu tiens ta vie. » Mais le tremblant Tumble n'avait aucune envie de suivre le détective. En s'éloignant, Iko Teruka put voir que le boy restait figé à la même place, les yeux ronds, les mâchoires s'entrechoquant comme des castagnettes. Le détective japonais traversa le vestibule et sortit. Il vit atteint la haie de bambou entourant le jardin, se blottit au milieu d'un buisson épais et attendit. Il voulait savoir ce que deviendrait Tumble. Son attente ne fut pas longue. Moins de 5 minutes plus tard, le boy apparut dans l'encadrement de la porte de la maison. Il regarda autour de lui d'un air inquiet et, rassuré sans doute, franchit le seuil, referma sans bruit le battant sur lui et se dirigea vers la porte du jardin. Iko Teruka le vit l'ouvrir et la passer. Le détective le laissa prendre un peu d'avance, puis sortit à son tour du jardin en se glissant à travers la haie de bambou. Tumble marchait vite. Il semblait savoir très bien où il allait. Fréquemment, il se retournait, comme un homme qui craint d'être suivi. Mais Iko Teruka n'était pas un novice. Il se tenait le long des maisons et savait se dissimuler à temps pour ne pas être découvert. Tumble s'arrêta enfin devant une maison de modeste apparence, en briques rouges, située non loin du quai. Il gravit le petit perron conduisant la porte d'entrée et sonna. La porte s'ouvrit presque aussitôt. Tumble entra et referma le battant sur lui. « Il ne me sera pas difficile demain de savoir à qui appartient cette maison, » pensa Iko Teruka. Il en examina la façade et, s'étant approché, vit qu'une plaque de cuivre noircie par le vert de gris était fixée sur la porte. Il grimpa 2 marches et, à la clarté incertaine du lampadaire électrique voisin, lut ces mots: Martin Sulak, agent de la compagnie d'appareillage électrique de Budapest. Iko Teruka hocha la tête. Que pouvaient avoir de commun le boy Tumble, l'ingénieur Guilcott et l'agent de la compagnie d'appareillage? Étaient-ils tous 3 complices? Mais quel rôle jouait alors dans cette histoire le 4e personnage, l'hindou à 2 nu dont Tumble paraissait avoir si peur? Iko Teruka regarda la façade de la maison. Les volets en étaient clos. Aucune lueur ne filtrait à travers les lames. Ce Tumble était peut-être maintenant boy au service de Sulak. Iko Teruka résolut de s'en assurer séance tenante. Un dernier regard pour être certain qu'on ne l'observait pas aussi bien de la maison que de la rue. Et il empoigna un gros tuyau de fonte verticaux fixé le long de la muraille et servant de déversoir aux gouttières, et y grimpa avec la souplesse et l'agilité d'un chat. En quelques secondes, il lui atteint le toit de tuiles. Il s'y plaça à plat ventre et rampa dans la direction d'une fenêtre à tabatière située à 3 mètres de la gouttière. Il y fut vite, la souleva et se coula dans l'ouverture. Cette fenêtre donnait dans un vaste grenier. Iko Teruka s'y laissa tomber et prit pied 2 mètres plus bas sur le plancher. Non loin de lui, il vit une porte. Il s'en approcha et constata avec satisfaction qu'elle n'était pas fermée à clé. Il l'ouvrit, passa le seuil et arriva devant un escalier. Des éclats de voix le firent s'arrêter. On se disputait à l'étage au-dessous.